Judex, d'Arthur Bernède, épisode 10e, Le cœur de Jacqueline, chapitre 4e, Le rendez-vous. En franchissant la grille de la villa, Judex s'était trouvé en face de son frère qui, tout de suite, lui avait demandé d'une voix où perçait une affectueuse inquiétude. « Alors, frère, tu vas à ce rendez-vous ?»« Oui, j'y vais. Seul, seul. »« N'est-ce pas une grave imprudence ? Pourquoi ?»« Tu me l'as dit toi-même. » La lettre que Favreau a écrite à sa fille a certainement été dictée, ou tout au moins inspirée par Diana Monti, dans le but d'attirer Jacqueline dans ses filets et de la supprimer, cette fois d'une façon définitive. C'est toujours mon avis. Ne crains-tu pas que, voyant encore leurs odieux calculs déjoués, ils ne se mangent sur toi de leur déception? C'est fort probable. Alors laisse-moi t'accompagner. C'est impossible, frère. Gravement, posément, et avec cette maîtrise de lui-même qui semblait grandir en lui aux heures difficiles et dans les circonstances solennelles, Judex expliquait. Si nous nous rendons à deux sur la jetée du port, nous éveillerons les soupçons de ces misérables. Il est certain que, mis sur leur garde, ils éviteront tout contact avec nous et battront prudemment en retraite, quitte à machiner ensuite quelques nouvelles et criminelles intrigues. Tandis que s'ils me voient seuls, et si surtout je leur donne bien l'impression et je m'en charge, que de loin ou de près, aucune personne, ni toi, ni Kerjean, ni une autre, n'est à même d'accourir à mon appel, ils se découvriront aussitôt, et je n'en demande pas davantage. » Et Judex, avec un mystérieux sourire, ajouta « Je suis tranquille. Un quart d'heure d'entretien, et peut-être même moins, suffira pour mener à bien mon entreprise. Songe que tu vas avoir affaire à des gens qui ne reculeront devant rien, pour faire triompher leur plan abominable. Je suis fixé. » « As-tu des armes ?»« Aucune. Jacques, tu m'effraies. Je me demande à quoi tu penses. T'exposer ainsi ? Ton amour pour Jacqueline t'aurait-il fait perdre la tête ?»« Je n'ai jamais été en aussi parfaite possession de moi-même. Prends au moins mon revolver. J'ai à ma disposition mieux que le plus perfectionné des Browning. Quoi donc ?»« Ceci. » Tirant de sa poche un carnet de chèques, Jacques le montra à Roger en disant « Voici un argument auquel des bandits de l'espèce de Diana Monti et de Morales n'ont pas l'habitude de résister. Notre immense fortune nous permet de négocier royalement la rançon de Favreau. Sois sûr que je la ramènerai avec moi. Dût-il m'en coûter 1 million, peut-être davantage. Prends garde !» fit simplement Roger, qui savait très bien qu'il était inutile de heurter son frère, et que lorsque Judex avait pris une décision, rien au monde n'aurait pu l'en détourner. Les deux frères échangèrent une chaleureuse poignée de main, et tandis que Roger, qui était loin de se sentir assuré, regagnait la villa, Jacques gagnait le port d'un pas rapide. Or, il avait été devancé par Coquentin qui, presque aussitôt après le dîner, prétextant une légère migraine, avait demandé à ses hôtes la permission de se retirer, pour prendre un peu l'air avant de se coucher. Après avoir fait, pendant quelque temps, les 100 pas dans le parc, il s'était subrepticement glissé au dehors par une petite porte, le cœur battant la charge à la pensée de la radieuse créature, de la splendide déesse, c'est ainsi qu'il l'appelait, avec laquelle il avait rendez-vous. Jamais Coquentin, pourtant si inflammable, ne s'était senti si enflammé. Toute la journée, la vision de la jolie baigneuse qui lui était apparue, telle amphitrite sortant de l'onde, n'avait cessé de l'envelopper de son gracieux mirage. « Je ne la croyais pas aussi belle, » se disait-il. Quel charme, quelle ligne, quel chic, quel galbe, quelle séduction. Et elle m'aime, car si elle ne m'aimait pas, elle n'aurait jamais consenti, cette adorable Daisy, à m'accorder aussi facilement, aussi rapidement, ce bienheureux, ce divin rendez-vous. Songeant au buste de Napoléon, qu'au cours de ses déplacements il emportait toujours dans sa valise, et qu'il avait installé à la place d'honneur dans la chambre qu'il occupait à la villa de Trémeuse, le détective se prit à murmurer. Je suis sûr que le maître lui-même n'a pas éprouvé une émotion plus suave lors de sa première entrevue avec Joséphine. Ce fut dans ces excellentes dispositions que l'excellent Prosper arriva sur la jetée, qui semblait alors complètement déserte. Elle n'est pas encore là, fit-il avec un léger désappointement. Mais tirant sa montre, il constata qu'il n'était que 10h15. Comme tous les vrais amoureux, il était en avance. S'installant sur un banc, tout en prenant une attitude rêveuse, enamouré, le directeur de l'agence Eléritas résolut d'attendre sa bien-aimée avec toute la patience dont il était capable. Mais les minutes lui paraissaient d'une longueur d'éternité, et à mesure qu'approchait leur temps désiré, il se sentait en proie aux alternatives les plus ardentes de joie et d'espérance, marquant chaque seconde de cette question qui, en l'absence de toute autre parole, s'était emparée de son cerveau. Viendra-t-elle? Ne viendra-t-elle pas? Mais bientôt une exclamation de bonheur lui échappa. Un bruit de pas léger lui fit dresser l'oreille. Il la regarda. Une silhouette féminine apparaissait là-bas, toute nimbée de lumière astrale. C'était elle, c'était Daisy. Faut-il qu'elle soit amoureuse? Se dit Coquentin qui, frétillant et frémissant, se précipita vers sa conquête tout en la saluant de la banale et classique apostrophe. « Comme c'est gentil à vous d'être venu !» Daisy Thorpe répliqua aimablement. « Moi aussi, j'avais hâte de vous voir, mon cher Coquentin. » Et avec cette franchise toute spontanée qu'ont parfois les amoureux, elle ajouta, en guise de profession de foi, « Vous n'êtes pas jolie, jolie. Je n'ai aucune prétention. Mais vous êtes ainsi, mon garçon. On fait ce qu'on peut. J'aime beaucoup les bons garçons, the good fellows. » « Et moi ?» répéta Prosper très satisfaite de cette déclaration si franche. « Laissez-moi vous dire que votre Goodfellow vous trouve très jolie. Jolie, jolie. Et qu'il aime beaucoup les jolies filles. The pretty girls. Alors, ma petite pretty girl, venez. » Et passant son bras autour de la taille souple, ondoyante de la jolie baigneuse, Coquentin lui dit « Daisy, décidément tu m'affoles. Je t'aime, donne-moi un baiser. » Mais un bruit de pas malencontreux retentit au loin. « Zut, un raseur !» s'écria Prosper. Et entraînant l'Américaine du côté opposé de la jetée, il lui dit « Allons jusqu'à la tour du petit phare. Là, nous pourrons échanger les propos les plus tendres en contemplant la mer. » Daisy Thorpe ne se fait nullement prier. Elle a toujours eu pour Coquentin, si bon, si galant et si affable, une de ces bonnes et cordiales amitiés qui durent parfois plus longtemps que les passions violentes. Et puis elle aussi, c'est une très brave fille, d'un caractère indépendant, parfois même intrépide, et qui lui a valu beaucoup de sympathie. Tous deux s'en vont d'un pas rapide vers la tour, continuent leur flirt sous le regard des étoiles, se confient leurs mutuelles impressions devant la Méditerranée qui, cette nuit, a des reflets d'un argent éclatant, contrastant étrangement avec les ténèbres bleutées qui forment au-dessus d'eux comme un voile fluide, plein de charme et de mystère. Derrière eux, le bruit de pas s'est rapproché, sonore, martelant énergiquement les dalles de la jetée. Au moment où il arrive au pied de la tour, Coquentin, cédant à un mouvement de curiosité fort naturel, se retourne et regarde. Près de la borne qu'il vient de quitter, il aperçoit, debout au clair de lune, un homme enveloppé dans un ample manteau et dont il reconnaît aussitôt la caractéristique silhouette. « Judex ? » laisse-t-il instinctivement échapper. « Judex, » répéta l'Américaine. « What is it ?»« Ce n'est rien, » se reprend Coquentin. « Ou plutôt, c'est-à-dire que si, c'est un ami, un grand ami à moi. Croyez-vous qu'il nous a vus ?»« Non, et puis il n'y a rien à craindre, c'est un homme très discret. »« Si vous me présentiez, » proposa malicieusement Miss Daisy Thorpe, « ce sera peut-être plus correct. »« Non, non, » refuse Coquentin. Et revenant tout à coup à la réalité des événements que sa préoccupation amoureuse lui a fait oublier, il explique. « Nous le gênerions. Il ne faut pas qu'il nous voie. Cachons-nous. Est-ce que lui aussi aurait un rendez-vous ? Oui, oui. D'amour ? Daisy, ne me questionnez pas. Qu'avez-vous dit à Prosper ? Vous semblez tout ému. Je le suis, en effet. Pourquoi ? Mais parce que je vous aime. Bien vrai, je vous adore. » Pour bien prouver à l'aimable Daisy Thorpe toute la sincérité de sa flamme, Coquentin se préparait à la serrer tendrement contre son cœur lorsque le bruit rythmé de rames frappant les flots parut grandir son anxiété qui ne s'était d'ailleurs que très superficiellement calmée. « Attendez, ma chère Daisy, » fit-il en s'éloignant légèrement de la baigneuse. Dissimulé derrière un pan de mur, il lança un regard vers l'endroit où un instant auparavant il avait aperçu Judex. Celui-ci s'était assis sur la borne et semblait attendre les événements avec sérénité. On aurait même dit qu'il n'avait nullement vu un canot monté par plusieurs hommes quitter le flanc du brick goélette à l'ancre et se diriger vers la jetée. Lorsque l'embarcation stoppa à quelques mètres de lui, il ne bougea pas davantage. Ce fut à peine s'il détourna la tête, lorsqu'un tout jeune matelot, sautant à terre, se dirigea vers lui. Coquentin, grâce au magnifique clair de lune qui rayonnait sur la baie, suivait tous ces détails avec la plus rigoureuse exactitude. Jusqu'alors, il était demeuré impassible. Mais lorsqu'il vit le jeune matelot frapper légèrement sur l'épaule de Judex, celui-ci se levait brusquement et dévisageait son interlocuteur avec un air de souverain mépris. Le directeur de l'agence Celeritas ne put retenir une sourde exclamation « Diable, diable !»« Qu'y a-t-il ? » interrogea Miss Daisy Thorpe, qui avait rejoint son ami. « Il y a, » murmura celui-ci, qui paraissait de plus en plus troublé, « il y a que nous allons assister, je crois, à des choses tout à fait extraordinaires. »